Onzièmement, dénoncer à celui qui chassa les vendeurs du temple. La vieille en pleurs disait : La misère en est cause. Pour mon bon vieux défunt, je n'aurai pas grand-chose. Un seul cierge, un seul prêtre, et deux mots d'oraison à la porte. On peut bien entrer dans la maison, avoir l'autel, avoir les saints, avoir les chasses. Tout le clergé chantant des actions de grâce, des psaumes, des bedeaux, tout. Mais il faut payer. Hélas, et moi, qui dois 3 termes de loyer, je n'ai pas de quoi faire enterrer mon pauvre homme. Ainsi parlait la veuve, et je songeais à Rome. Quoi ? Le riche et le pauvre ont des enterrements différents ? L'un a droit aux embellissements, l'autre pas. L'un descend chez les morts, l'autre y tombe. Et l'un n'est pas l'égal de l'autre dans la tombe.